Les pastilles poétiques sur Fadjet avec Lucas. Et bienvenue, chers auditeurs de Radio Fadjet, pour votre dose mensuelle de poésie. Vous êtes au bout des ondes solidaires du 94.2 FM. Voici que perce sous presque un soleil flambant une nouvelle édition de vos pastilles poétiques. Le printemps a dévoré la glace de l'hiver et doucement reparaissent sur les visages de glaise un sourire ravi. Il est donc tout naturel de remercier un peu la nature de ce qu'elle nous offre. Alors, il ne s'agira pas de briguer quelque intention écologiste, qu'on soit clair, mais plutôt de parler aujourd'hui d'un incontournable dans le jargon de votre serviteur, d'un indémodable aussi quand il s'agit de parler de panache, j'ai nommé Edmond Rostand, lui qui avait dédié plus qu'un poème, un hymne au soleil. Il écrivait « Je t'adore, soleil, ô toi dont la lumière pour bénir chaque front et mûrir chaque miel, entrant dans chaque fleur et dans chaque chaumière, se divise et demeure entière ainsi que l'amour maternel. » Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous vont me dire « Qui c'est Edmond Rostand ?» Et comme toutes les personnes qui chérissent fortement son œuvre phare, je vais être obligé de vous répondre pour vous éclairer un peu. C'est l'auteur de Cyrano de Bergerac. Et là, d'autres visages s'allument. La tirade des nez, c'est un cap, c'est une péninsule, les non merci, mais aussi un baiser à tout prendre, qu'est-ce, etc., etc., etc. J'ose passer rapidement dessus, et ce n'est pas là un caprice décervelé, mais bel et bien une revendication personnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a, dans le flot continu de la reconnaissance littéraire, beaucoup d'injustices et la gloire, comme disait l'auteur objet de notre chronique, passe et n'endort que quelques-uns. C'est Rostand qui le dit. Je collabore depuis maintenant quelques temps pour, à mon échelle, partager la mémoire de ce poète dramaturge qu'est Edmond Rostand et la précision de « c'est l'auteur de Cyrano de Bergerac ». Je la sors en long, en large et même parfois en travers. Et j'oserais même vous dire qu'on pourrait dire « oh Dieu, bien des choses en somme » en variant le ton, parce que quand on aime Rostand, quand on laisse son verre s'envoler et qu'on goûte à quelques doses sublimes qu'il contient et qu'on le laisse doucement s'exprimer, quand on s'intéresse aussi un tantinet à sa production, eh bien, on va vite que se dire que Rostand, non, non, non, et encore non, ce n'est pas que Cyrano. Mais avant que nous nous lancions sur cet auteur si singulier du 19 et du 21e siècle, laissons-nous nous porter doucement sur quelques échos d'une musique qui va nous entraîner. Et partout dans la rue, je fais qu'on parle de moi. et se lève pour prolonger le combat. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent ma vertu. Puis quand j'en aurai assez de rester leur idole, je remonterai sur scène comme dans les années folles. Je ferai pleurer mes yeux, je ferai mes adieux. Et puis l'année d'après, je recommencerai. Et puis l'année d'après, je recommencerai. Je me prostituerai pour la postérité. Les nouvelles de l'école diront que je suis pédé, que mes yeux puent l'alcool, que je fais bien d'arrêter. Brûleront mon auréole, saliront mon passé. Les pastilles poétiques sur Fadjet. Et c'était le chanteur de Balavoine. Et oui, chers auditeurs, le titre qui représente ma foi fort bien l'ambition qu'avait ce jeune Edmond Rostand, puisque c'est l'auteur de notre petite chronique, de notre pastille poétique. Et puisqu'il est de bon ton dans notre société de parler légitimement des sacrifiés EES, comment évoquer Edmond Rostand et sa production sans parler de sa femme Rosemonde Gérard. Poétesse en même temps que lui, elle a littéralement mis entre parenthèses sa carrière pour se consacrer au succès de son mari. Divine femme qui puise son nom dans la source angélique de la satisfaction par défaut et qu'il me plaît de pouvoir vous citer comme un vibrant hommage. Mais Edmond, puisqu'il faut évoquer aussi les empanachés, aura su lui aussi envoyer quelques belles lettres d'amour à sa Rosemonde que les cœurs qui aiment sincèrement n'oublient jamais. Edmond naît à Marseille en 1868 dans la rue Monteau qui aujourd'hui s'appelle la rue Edmond Rostand. Après des études au lycée Thiers de la ville, il va à reculons, il faut le dire, à Paris, au collège Stanislas pour accomplir quelques classes et un droit qu'il n'aime qu'à moitié. Non, non, ce cher Edmond est fait pour musarder ou pour ceux que le mot déroute perdre son temps à des riens. Il publie, grâce au concours de sa nouvelle femme Rosemonde, en 1890, les Musardises, recueil de poèmes intéressants, mais hélas passé inaperçu, et une fois refondé en 1911, après le succès passé de ce vaillant Cyrano réincarné sur les planches de la Porte Saint-Martin en 1897. Erreur fondamentale d'un public dont on oriente déjà trop le regard sur les drames naturalistes. Pourquoi ? Parce que dans ces musardises, il y a l'ambition dévorante et la flamme incarnée d'un jeune poète qui jette les bases d'une conception poétique qui renferme en son sein nourricier tout ce que le drame héroïque Cyrano de Bergerac empruntera et récitera. De la défense des petits, des pauvres airs, jusqu'à la défense de l'indépendance de la pensée et de l'artiste, tout, oui, tout préfigurait Cyrano. « Je vous aime, dit-il, et veux qu'on le sache, vous qu'insulte le public lâche, mes bons amis, les ratés. » Cet amour des 100 grades, il le doit à son héritage paternel. Eugène Rostand était président de la Caisse d'épargne de Marseille en son temps et avait fait beaucoup pour la cité phocéenne. Toujours est-il qu'à ses heures perdues de mélancolie et de nostalgie créatrice, il poétisait, lisait Musset et traduisait l'auteur antique Catulle. Cette dimension artistique que j'appelle personnellement le poète musard, c'est l'originalité Rostand dans une fin de siècle qui court après l'idéalisme pour oublier la défaite française cinglante de 1870 face à la Prusse. C'est savoir se cambrer face à l'indifférence ou la lâcheté. Et vous vous imaginez bien, mes chers auditeurs, que c'est bien dans une morale comme celle-ci que je me place. Vous finissez par connaître votre humble serviteur, n'est-ce pas ? Mais dans cette folle envolée passionnée sur Rostand, n'en oublions pas notre goût divin pour la musicalité. Le 21 juin, ce sera la fête de la musique, mais j'ai bien envie, en grand provocateur, de lui en offrir une avant l'heure. Après tout, ne dit-on pas qu'il n'est pas besoin d'attendre une date donnée pour vouloir mettre au nu ce qu'elle célèbre. De la fête des mères à celle des voisins, ou plus encore toutes ces dates officielles auxquelles on fait épouser de force plus ou moins de vaines célébrations. J'ai même entendu qu'il existait, tenez-vous bien chers auditeurs, une journée internationale de la saucisse. Eh oui, nous allons très bien ensemble. Mais, chers amis, c'est le monde qui chancelle. Tenez-vous bien, car parfois, il faut le dire, ça secoue. Allez, on écoute le conseil de Baudelaire et on s'enivre. We'll be right back. que ça secoue. Les pastilles poétiques sur Fadjet. Et on s'est laissé pour que Nirvana vienne un peu nous faire dresser le poil, bon Dieu. Smell like teen spirit. Traduit littéralement en français, ça sent l'esprit adolescent. Tant mieux, car le bonheur est de se rappeler, quel que soit l'âge, qu'on reste cet enfant. Et ô combien cette chanson-là pourrait éventuellement convenir pour illustrer un recueil de poésie de jeunesse, et en particulier celui des Musardises de Rostand que je vous présentais juste avant. Et vous, comment allez-vous, chers auditeurs? Vous êtes bien sur Radio Fadjet pour cette pastille poétique qui, cette fois, vous fait tutoyer de près ces valeurs qu'on dit oubliées. L'indépendance, la liberté et la franchise. Et pas n'importe comment, oui, oui, oui, messieurs, dames, par le prisme d'un auteur de cœur, de votre serviteur, Edmond Rostand. Après ce recueil publié en 1890, Rostand écrit quelques pièces de théâtre qui lui procureront un succès d'estime. Les romanesques paraissent en 1894. Ambiance naïve et romantique, teintée d'une couleur un petit peu shakespearienne, voire beaucoup. Puis vient La princesse lointaine, un an plus tard, en 1895. Le rôle de la princesse est dédié à Sarah Bernhardt. Oh oui, ça vous dit quelque chose, hein? La belle Sarah, la grande Sarah, celle qu'on appellera un jour la mère Lachaise, parce qu'elle fut obligée, du fait d'une amputation, de se déplacer en fauteuil, un fauteuil qu'on portait. La princesse lointaine nous emmène au Moyen-Âge et nous parle d'un troubadour aquitain, Geoffrey Rudel, qui poétise l'amour de loin, l'amour non réciproque donné à une princesse, la fameuse Mélisinde, comtesse de Tripoli. Princesse que Rudel aime sans jamais l'avoir vue. Ah, ça vous donne de belles odeurs de cet amour que Cyrano aurait tant voulu donner explicitement à Roxane, hein? Quand je vous dis qu'il y a avant Cyrano des trésors qu'on n'estime pas assez. Juste avant le succès retentissant de 1897 avec Cyrano, justement, Rostand écrit un évangile nommé « La Samaritaine ». Quelques mois après, il faudra abaisser son chapeau devant l'indépendance cyranienne. Ce 21 décembre 1897, la foule sera en liesse dans le théâtre et le soir même, Rostand recevra une légion d'honneur. Il était temps. Avec le succès viennent les connaissances et l'argent. En 1900, il fait jouer un drame personnel, L'Aiglon, qui s'inspire du personnage historique éponyme, fils de Napoléon, celui qui fut empêché de régner et qui dut se contenter du titre de roi de Rome et duc de Reichstadt. Sarah jouera l'aiglon avant qu'une autre comédienne des années plus tard la remplace. Le succès n'est pas aussi retentissant que La Sœur de 1897, mais c'est malgré tout une très grande, une flagrante réussite. On applaudit à tour de bras, ou devrais-je dire demain. L'Académie française offre même à Rostand son 31e fauteuil. Seulement, Edmond est tombé malade alors qu'il régentait les répétitions de la pièce. Congestion pulmonaire. Le médecin sera clair, il faut changer d'air. Direction, mes chers amis, le Pays Basque. Louant d'abord la villa Etxegorria près de Bayonne et enfin faisant construire sa fameuse villa Arnaga à partir de 1903, Edmond s'enferme peu à peu. Car oui, il me faut vous le préciser, Edmond est un être qui se rêve et qui rêve beaucoup, mais est aussi un grand mélancolique, voire, j'ose le dire, car c'était le cas, un grand dépressif. Il accusait de grosses périodes de neurasthénie et l'ambiance de cette gigantesque pièce de théâtre que furent les logements successifs des Rostand furent hélas bien mornes. Les deux fils qu'Edmond eut avec Rosemonde, Maurice et Jean, Jean que vous connaissez peut-être pour ses travaux en biologie, qui fut reçu également à l'Académie française, eh bien Maurice et Jean accusèrent toute leur vie cette ambiance et l'ombre du poète qui planait sur leur existence. Maurice Rostand, écrivain après son père, témoigne. Le courage qu'il faut, grand homme que voilà, pour être votre fils et n'être que cela. On lit aussi, c'est au fond de ton cœur que je voulais peut-être être grand, être beau, mériter ton regard. Tout ce que l'on obtient n'a plus de raison d'être. Mieux vaut tard, mieux vaut jamais que tard. Que m'importe de moi ce que d'autres vont croire, que m'importe un instant qui trop tard est venu, que m'importe un succès, que m'importe la gloire, tu ne m'as pas connu. Portrait triste d'un grand rêveur et père absent. Arnaga devient, il faut le dire, un étouffoir et Rosemonde, la belle Rosemonde qui avait pourtant tant soutenu son mari, finit par voir son propre couple s'étioler. Trop d'énergie aura été déversée pour soutenir l'homme derrière le poète à tous les instants de leur vie commune. Pour bien peu de reconnaissance qui plus est, malgré les belles lettres d'amour. Dans l'édition de 1890 des Musardises figurait tout un pan de poèmes amoureux dédiés à Rosemonde. En 1911, année de la réédition chez Fasquelle, ce pan est expurgé, le recueil remanié. Indélicatesse prononcée d'une âme qui souffre au-delà de ce que permet l'écriture, violence d'un mari éhontément déçu. Et mettons quand même une brève parenthèse à la vie du poète, mes chers amis, qui doucement se désagrègent et savourons ensemble le bonheur d'être en vie et de pouvoir écouter quelque autre réjouissance musicale. Profitons-en. Les pastilles poétiques sur Fadjet. Et Abba est venu nous faire, nous ambiancer, mes amis, sur cette pastille poétique. Lay all your love on me. Bon, alors c'est prononcé à la Lucas, hein. C'est-à-dire un Lucas très anglais, comme vous pouvez le constater. En français littéral, place tout ton amour sur moi. Et voilà bien une parole que sut réclamer Edmond Rostand à Rosemonde avant le délitement de leur couple. Arnaga, malgré quelques belles fêtes, devient un temple où le silence, hélas, devient roi. Un roi sans reine, et que deviendrait-il ? Edmond Rostand, on ne s'en doute pas assez, nous contemporains, est acclamé de partout après le succès de Cyrano. En 1910, il fait jouer Chanteclair, pièce qui reçut un succès en demi-teinte. Le public adhère, la critique, beaucoup moins. Rostand quitte la veine dans laquelle il avait jadis piqué. Il représente un coq dans une basse-cour sur scène. Le nom d'ailleurs de Chanteclair aurait éveillé les plus littéraires vers le personnage éponyme du médiéval roman de renard. C'est ce coq qui, nous le disions en début de chronique, croit que son chant fait s'élever le soleil. La mise en scène est colossale et difficilement applicable. Pourtant, Rostand n'en démord pas. Tout doit se passer comme il l'aura entendu, imaginé et conçu. Doucement, ce dernier pourrait s'apparenter à un poète national qu'emplane sur la France l'ombre de la Première Guerre mondiale. Mais Edmond subit son impotence. Il ne peut pas s'engager militairement après la déclaration de guerre, notamment due à sa neurasthénie. Alors, c'est décidé. Il poétisera, encore une fois, les petits, les sans-grades qui partent au combat pour sauver l'honneur du pays. Il va même se déplacer sur certains terrains de combat, un peu en arrière, pour soutenir les cœurs qui, derrière les corps, veulent à un certain moment ne rien faire d'autre que poser leurs fusils. Paraîtront bientôt ce poème d'exception nommé « Le vol de la Marseillaise », cet hymne qui s'envole pour célébrer le panache de la France qui ploie sous les combats. Or, le souffle voulait s'incarner dans un chant, l'œuvre cherchait à vivre et flottait en cherchant. Pour vivre, il lui fallait le tumulte et le rêve, la révolution et le printemps, la sève et le sang, l'arbre en fleurs et la France en péril. La déclaration de guerre au mois d'avril et la frontière en 1792. Elle flotta sur Tannes et flotta sur Mulhouse. Il fallait un miracle et que tout s'accordât. Une nuit étoilée, une âme de soldat. En passant sur Strasbourg, elle désira naître. Un chant de violon montait d'une fenêtre. Dans sa chambre, en jouant, un jeune homme marchait. Triste, il fallait parfois retomber son archer. Il laissait, parfois retomber son archer. Comme un ange attendait le souffle d'un archange, alors dans cette rue humble de la Mésange, le souffle entra. Et ce souffle, mes très chers amis, mes très chers camarades, cela peut être parfois aussi bien l'inspiration. Rostand poétise, les soldats lui disent merci et se souviennent de Cyrano. Et c'est bien cet esprit français par excellence qui accompagne de son nasillard profil les poilus dans les tranchées. En parallèle, doucement, Rostand s'intéresse aux progrès de son siècle. Un écrivain du nom de Montesquieu, Robert de Montesquieu, disait qu'Edmond Rostand était Victor Hugo à l'ère de l'automobile. Le progrès, il l'aura chanté deux fois, dans son poème Le Cantique de l'Aile, en l'honneur des biplans qui surplombaient de leurs ombres Arnaga, forçant le poète à se tourner une fois de plus vers le ciel, et dans un autre poème, un peu plus burlesque, Le Bois Sacré, où des dieux de l'Olympe discutent autour d'une étrange chose que l'on commence, au début du XXe siècle, à surnommer une automobile. Et hop, sans qu'il n'y paraisse rien, chers auditeurs, je vous emmène avec moi vers de nouveaux voyages. Comme Cyrano, je vous emmène, très chers amis, dans la Lune. We'll be right back. Les pastilles poétiques sur Fadjet. Et Police, mes chers amis, nous offrait à l'instant Studio Walking on the Moon. Revenons, chers amis, sur notre sujet. Edmond Rostand, vous l'aurez compris, c'est le souffle incarné dans le rêve, dans l'idéal qui se rêve et qui promet de suivre cette consigne empanachée, de relever sa moustache et de se cambrer face aux désillusions et surtout, surtout face aux immondices de ce monde. Edmond, malgré toutes les erreurs dévastatrices, n'est qu'un homme. Et cet homme, cette sensibilité, écrit et compose de ces vers qui vous marquent le sang, qui vous permettent, les jours noirs de spleen, de vous envoler et tutoyer un peu de ces mondes rassurants qui vous secourent lorsque la réalité vous agresse. Comme Rostand, j'ai pu, sur le divan bas, me demander où je pouvais bien être. En 2018, on célébra le centenaire de sa mort. Certains qui croient encore aux vérités exprimables lui dédièrent de belles réalisations. On sortit le cadet Cyrano à l'appendice nasal surdéveloppé de son éternel repos et on le fit crier devant la sourde modernité ses deux plus belles tirades. Celles des affranchis et des méritants qui, devant elles, l'ont laissé sans voix. Le festival Edmond Rostand, créé par Thomas Sertilange, organisa pas moins d'une trentaine d'événements, pour ne citer que le procès de Cyrano, organisé avec le barreau de Marseille, et Paris, ou encore une adaptation de la Samaritaine au sein de l'église Saint-Laurent dans la cité phocéenne. Alexis Michalik, bien sûr, romança et théâtralisa Edmond. Certains soirs, on applaudissait un peu des affres et des coursives de Cyrano qui apeurèrent tant son auteur, avant que sur le rideau rouge ne se révèlent les bravos ébahis. Thomas Sertilange offrit aussi à la statue de Sarah Bernard, place du Général Quatre-Roues à Paris dans le 17e, une raison suffisante pour que son esprit truculent demeure en son marbre, érigé devant elle le sourire innocent et ravi de son Rostand chéri, le même qu'elle avait modelé et que la postérité avait perdu. Ces deux-là dialoguent encore des alaisans, ces chevaux qui frappent le pavé, de la première de la Princesse lointaine et des énièmes représentations de l'Aiglon. Devant eux, on passe, et parfois, le temps fait qu'on trépasse. Je me souviens moi-même de l'été 2018. Chavirant entre grande espérance et désillusion, j'entamais un master en lettres modernes. Ce qui me saisissait était l'expression du sentiment. J'avais déjà écrit quelques recueils, j'en avais auto-édité un. Bientôt, je le retirerai de la vente, et les promesses du soir prenaient sa place. J'avais bien sûr la poésie ardente et tout en traitant de sujets archi-modernes, je trempais un peu ma plume dans les maîtres anciens. Je voulais, du haut de ma jeunesse ambitieuse, réconcilier ce siècle dardé de classicisme dans les rapports sociaux avec le romantisme. Et comment mieux le faire qu'en honorant la mémoire de ce poète qui magnifiait Hugo tout en chantant Corneille ? Du sentiment exacerbé, que diable, et de la fantaisie ! La moustache fine, je cartais du pied, moi, l'amateur de piraterie, et je m'en allais des Caraïbes jusqu'à la cour de Louis XIII pour fréquenter l'esprit des mousquetaires et au Pays Basque pour écouter chanter les Gascons. Le rêveur que j'ai toujours été s'accorde à merveille avec la rime classique et audacieuse du bon Rostand. Il y avait de l'aventure dans cette audace et moi, j'avais soif de péripéties dans une vie que l'ennui parfois séduit trop. 6 ans plus tard, mes mots accourent devant vous, mes chers auditeurs, mes chers amis, pour vous présenter la vie de ce poète d'origine marseillaise. Et j'espère, mes très chers auditeurs, avoir fait mouche. En attendant que la poésie vienne vous prendre, savourez un peu la vie et lisez tant que possible Edmond Rostand. Laissez-vous porter et surtout croyez en ces idéaux incandescents que la société nous plombe trop souvent de leurs enclumes imparfaites. Je vous retrouve, chers camarades, le dernier mardi du mois prochain pour de nouvelles aventures. À très bientôt.